Et c'est le temps de puissance maximale sur les ondes de CKIA. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi. Et bien, puissance maximale, c'est votre émission d'intérêt ludique. On parle de jeux, on parle d'animation, on parle même de manga. Donc, c'est une émission très, très, très culture geek. Et mon nom est Vincent Langlois. Je suis en compagnie de François G. Couillard. Salut Vincent. Salut François. Et bien, on aurait une émission extrêmement chargée aujourd'hui. On va parler de jeux, on va parler d'actualité. Moi, ça fait déjà plus d'un mois que je veux vous parler d'un jeu et il arrive toujours plein de chose qui fait qu'on peut pas en parler. Oui. C'est quand même un jeu qui est sorti au mois de février, c'est Bulletstorm, un petit shooter dont on va parler. Et si j'ai le temps également un petit peu plus tard, je vous parlerai d'un autre jeu qui est sorti encore depuis plus longtemps, une série pour les joueurs de basketball. Si vous avez joué à l'arcade, si vous êtes allé à la Musathèque à Lévis ou bien à la Récréathèque, le fameux NBA Jam qui est sorti au mois d'octobre passé. J'ai eu la chance de jouer à ça en fin de semaine, de l'essayer. On pourra peut-être s'en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis moi, je vais avoir un peu d'actualité ludique. Actualité ludique. Et on vous rappelle, vous êtes à puissance maximale. Si vous êtes intéressé à interagir avec nous aujourd'hui, bien, vous pouvez le faire par Facebook. Vous ajoutez François G. Couillard sur votre page, en fin de compte, comme ami. Et vous pouvez chatter avec lui sans problème, clavarder. Et on sera là pour répondre à vos questions et même lire vos commentaires en ondes. Et également, si vous êtes intéressé un petit peu plus par puissance maximale, on a un site Internet qui est le www.puissancemaximale.com sur lequel vous retrouvez un peu d'actualité, nos émissions à télécharger, également nos contacts, nos courriels, si vous êtes intéressé à nous envoyer des commentaires ou des questions. Et puis aujourd'hui, on a une émission très spéciale parce qu'on va faire jouer seulement des vinyles. Oh, une émission vintage! Donc, on est tombé sur le disque de Back to the Future, donc la trame sonore du film. Incroyable d'avoir ça encore ici. Hein? On s'en va écouter The Power of Love. Oh oui, oh, quelle bonne chanson! Oui, effectivement. Ça va nous rapporter, ça va nous rappeler des bons souvenirs. C'est Huey Lewis in the News. Bye. Bonjour, ici Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. C'est quand même très bien réussi. Félicitations et... Oui. Tout à l'heure, nous aurons Friedemann Friese qui va nous parler en allemand de sa participation à Puissance Maximale il y a déjà de cela quelques années. Et bien, c'est Puissance Maximale, vous l'aurez deviné, Louis-Philippe nous l'a dit. Et c'est votre émission d'intérêt ludique. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui est sorti au début du mois de février sur les consoles, les différentes consoles, dont Xbox 360 et la PS3, pas disponible sur la Wii. Le jeu Bulletstorm, qui est édité par EA et développé par Epic Games. Il est disponible également sur le PC. C'est un jeu de tir à la première personne dans une ambiance, disons-le, plutôt futuriste. Et le motto, la fameuse phrase qui vient avec ce jeu-là... Le slogan, c'est « Kill with skills » ou, en fin de compte... Tuer avec... Avec certaines habiletés. Avec une habileté, ouais. Oui, c'est ça. Et kill with style également, avec du style. On va voir un peu où on en vient avec ça. Vous savez qu'un first-person shooter ou un jeu de tir à la première personne, ben qu'on soit contre le type de jeu violent, bon, ben que voulez-vous, c'est ça, c'est un jeu de tir. Et c'est un jeu qui nous donne trois modes, il nous offre trois modes au départ. Une campagne solo, donc dans laquelle je vais élaborer dans quelques instants. Le mode Echoes, dans lequel on reprend certaines parties du mode solo, certaines cartes, mais on doit les passer rapidement en faisant le plus grand nombre de points. On verra c'est quoi le nombre de points tout à l'heure. Et il y a un mode multijoueur qui s'appelle Anarchie, dans lequel on peut jouer, oui, en ligne avec des amis. On fait partie de la même équipe, mais c'est un mode qui n'est pas très, très développé, dans le sens que c'est seulement du jeu dans style vague d'attaquant. Il y a des vagues qui nous arrivent, on doit toutes les éliminer, on passe à la deuxième vague. Pour passer à la prochaine vague, il faut quand même avoir du style, il faut quand même être capable de réaliser ce qu'on nous demande, mais on n'a pas développé des grosses cartes multijoueurs dans lesquelles on peut se promener vraiment avec nos coéquipiers qui sont à la maison, dans leur maison tout simplement. Parlons du mode solo, l'histoire. Dans ce mode-là, bien, on incarne Grayson Hunt, qui est le chef, qui a dirigé une équipe sous les ordres du général Sarano. Et l'histoire nous raconte que Sarano, le méchant finalement, parce qu'il devient méchant, ben il a manipulé cette équipe-là de Grayson Hunt, notre personnage, en lui faisant tuer d'innocentes personnes. Hunt était sûr qu'il était là pour sauver une partie de la planète, alors qu'il éliminait sous les ordres de ce méchant caporal, de ce méchant général, il éliminait des bonnes personnes. Alors, le jeu débute où c'est l'heure de la vengeance qui a sonné. Grayson Hunt, avec l'aide de son collègue Ishii, cherche à éliminer toute trace du général Sarano. Et le tout se fait à travers de dialogues quand même assez vulgaires. On parle d'un jeu qui, justement, la vulgarité est à l'honneur. On a quelques références à l'alcool, au sexe, beaucoup, beaucoup de violence. Bulletstorm, vous l'aurez deviné, c'est un jeu qui est classé M pour les personnes qui sont matures, donc 17-18 ans et plus. Et c'est quand même un jeu intéressant au niveau de ce qu'on a fait avec la jouabilité de ce jeu-là. Comme la plupart des shooters, le but, c'est d'éliminer les ennemis qui sont avant nous, d'avancer dans différents tableaux. On parle toujours du mode solo présentement. Donc, les ennemis qui nous font face, qui apparaissent tout au loin dans le tableau. Et pour ce faire, bien, on utilise des armes, premièrement des fusils, et des éléments environnants. Par exemple, des barils de gaz qu'on peut faire exploser, des barils vides qu'on peut, sur lesquels on peut donner un coup de pied, des câbles électriques qu'on utilise également. Et tout ce qu'on a en main, finalement, on peut l'utiliser et l'envoyer sur les personnes qu'on doit éliminer en avant de nous. Est-ce qu'on peut prendre tout l'environnement, n'importe quoi? Pas tout l'environnement, okay. Non, pas tout l'environnement complet. Certains, on le voit vraiment, là, c'est comme évident, par exemple, qu'il y a un baril à côté, puis lui, on peut donner un coup de pied dessus. Mais par exemple, le rocher, on peut juste se cacher peut-être derrière un peu, mais pas rien faire avec d'autres, pas le faire exploser, quoi que ce soit. Il y a un petit peu... Bon, le jeu commence, il y a quand même une histoire qui vient autour de ça. Et après quelques minutes de jeu, on a la chance d'avoir un genre de fouet électrique en main qui nous permet de lancer le fouet finalement sur un ennemi et de l'attirer vers nous, comme également sur les différentes armes qui tombent devant nous quand les ennemis sont éliminés. Donc, on peut se servir de ce fouet-là et aller chercher des objets à distance, aller chercher des ennemis, les entourer par le fouet, les faire arriver sur nous pour, justement, les éliminer avec style. Donc, si on réussit à attacher un ennemi avec le fouet, le tirer vers nous, il s'en vient dans les airs tout tranquillement, un petit peu en slow motion, comme on pourrait dire en mauvais français, et il est possible, par exemple, de l'éliminer à coup de carabine ou à coup de pied et tout ça. Et et de l'envoyer, par exemple, à coup de pied dans des différents panneaux électriques. Et tout ça nous donne différentes éliminations d'ennemis dans ce jeu-là. Les mouvements, les coups de pied, tout ça permet de déstabiliser l'ennemi. Et ben, le but de jeu, c'est bien sûr de les éliminer avec style et habileté. Chaque élimination bien travaillée a un nom. Si on est capable de faire quelque chose qui, selon les concepteurs, méritait la peine d'être nommé, bien, on le voit apparaître. Par exemple, en écrasant un adversaire sur un mur, bien, ça s'appelle graffiti. En l'envoyant sur une paroi métallique épineuse, bien, ça s'appelle poupée vaudou. Et il y a certaines éliminations qui sont un peu plus, disons, caractérisées par des expressions vulgaires. Et par exemple, tirer un ennemi dans le derrière, ça s'appelle, bon, y a un nom pour ça. Et également, faire exploser des barils, dommages environnementaux, par exemple. Donc, c'est un jeu qui est, disons, pas pour les gens de 12, 13, 14 ans. C'est vraiment un jeu, quand on comprend très bien l'anglais ou on le met en français, c'est un jeu avancé, disons, 18 ans et plus. Et toute élimination nous donne des points d'habileté qu'on peut échanger contre différentes améliorations ou upgrades sur nos armes, par exemple. Et la série d'armes se fait de plus en plus intéressante, des fusils, des shotguns, des lance-grenades. Et également, on peut en prendre quelques-uns au cours de notre parcours à travers cette mission, cette aventure. Donc, pour le mode seul, c'est à peu près ça qui se passe. Il y a le mode Ecos, dont je vous parlais tout à l'heure, qui se fait également seul. Ça nous permet, comme je vous le disais, de retomber dans différents tableaux qu'on a terminés dans la campagne solo, mais également de les faire. On ne fait pas le tableau complet. On part d'une partie jusqu'à un certain autre point et on doit le faire en un nombre de secondes limité, disons, et ça nous permet de débloquer certaines choses également, certains upgrades, disons. Et il y a le mode anarchie, je vous parlais, multijoueur. On est habitué maintenant à les jeux de tir à la première personne, d'avoir un mode multijoueur assez vaste. Par exemple, la Call of Duty, par exemple, ce que Gears of War a pu nous amener, qui n'est pas nécessairement un first person, mais un third à l'épaule, un troisième à l'épaule. On nous a amené des modes de jeu, capturer le drapeau, des matchs à mort par équipe, des choses comme ça, qui sont très, très vastes. Anarchie, le multijoueur de Bulletstorm, ne fait pas ça. C'est vraiment basé sur le concept de vagues d'ennemis qui nous arrivent et on doit les éliminer tous un par un. Et c'est un peu, disons, décevant, mais ce que les concepteurs ont fait et ce qu'ils disent, par exemple, le directeur créatif de Bulletstorm qui s'appelle Adrian Chmielaz, lui, ce qu'il dit, c'est que ben, le mode co-op, c'était pas nécessairement juste de survivre à une vague comme on le voit. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut également acquérir des points. Ce serait important d'acquérir des points avec notre coéquipier pour pouvoir justement passer à la prochaine vague. Et ça a été dit dans une entrevue dans un magazine français qui s'appelle IG Magazine. Donc, quand même, un jeu qui peut se... intéressant. Si on fait un récapitulatif de ce jeu-là, ben, les points faibles, certaines réactions de l'intelligence artificielle qui sont limitées. Disons que les ennemis ne se lèvent pas trop vite quand on les a attaqués. Ils se les relèvent plutôt vite, disons. C'est spécial de voir ça. Le mode multijoueur, je le mets également dans un point faible parce que je m'attendais à quelque chose de plus. Peut-être qu'il y aura du contenu téléchargeable, un de ces quatre. Dans les points forts, c'est incroyable de voir l'environnement graphique, très beau graphique. Et la petite addition d'éliminer avec style ou avec habileté, c'est quand même spécial de voir ça, de voir apparaître les différents types d'élimination qu'on a faites. C'est quand même assez drôle. Donc, un jeu, moi, pour lequel je donne un 7.5 sur 10, ça vaut la peine de l'essayer, mais ce n'est pas un jeu qui vous donnera un bon 15-20 heures de plaisir. On parle plutôt d'un 7 à 10 heures si on prend le temps de le faire. Donc, c'est un jeu qui va se faire quand même assez rapidement. Alors, c'était Bulletstorm, édité par EA et également développé par Epic Games. All right. Donc, merci Vincent. Et on poursuit. Ben, peut-être qu'on pourrait faire notre tirage maintenant. Allons-y et je vais faire la petite musique. Oui, on a un tirage aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous appelez au 418-529-9026, 529-9026. Vous devez être membre de CKIA et on va y aller avec notre premier tirage aujourd'hui. C'est, dans le fond, c'est une série d'affiches d'un jeu qui s'appelle... Ben, on a Crysis, série d'affiches de Crysis et Blitz également, qui nous arrive tout fraîchement, en fin de compte, depuis une couple de semaines, du PAX East. C'est notre ami Guillaume qui nous a ramené ça. Et si vous êtes intéressé par des affiches de jeux vidéo, Bien, il faut... Appelez 529-9026. Sinon, on vous offre aussi un T-shirt avec ça. Un beau T-shirt, pourquoi pas. Vous avez juste à nous dire la taille et puis on regarde son là. Sinon, ben, on va écouter une pièce de Joe Dassin. Oh, un petit retour, encore une fois, au vinyle qui m'impressionne quand même. Hein, ça sonne très bien. Oui. Pour ne pas avoir entendu du vinyle depuis un petit bout de temps. Là, c'est, mais j'ai l'impression parfois que les tunes tournent un petit peu plus vite. Je sais pas trop. Ah, le bouton, effectivement, oui. Le bouton de pitch était levé. OK. C'est ma faute. C'est pour ça que The Power of Love, au lieu de durer 4 minutes, a duré 3 minutes 33. Exactement. Mais c'était quand même bien. Donc, les Champs-Élysées de Joe Dassin, bon, c'est le printemps qui arrive. Alors, chanson de printemps. Et c'est parti. 529-9026 pour avoir des beaux posters. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Ich bin Friedemann Friese und wir hören Puissance Maximale. Merci, Friedemann Friese. Maintenant, actualité ludique. Fini les livrets d'instruction pour EA Sports. Quoi donc? Parce que vous savez que dans les lorsqu'on achète un jeu de vidéo, il y a toujours des petits livrets d'instruction qui viennent avec que personne ne lit. Alors, c'est vrai quand même qu'il y a peu de personnes qui passent le temps à lire ça. Alors, ça devrait ravir les joueurs écolos. Parce que EA Sports a décidé d'arrêter de produire ses petits livrets d'instructions inutiles depuis la sortie de Fight Night Champion, qui a été mis en marché le 1er mars dernier. Ah bon, mais pourtant, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver les différents contrôles? On les apprend par nous-mêmes et on regarde le tutoriel dans le jeu? Probablement que sur Internet aussi, l'information va se trouver. Toujours est-il que l'idée derrière ça, c'est un peu comme quand la banque arrête de vous envoyer vos relevés de compte en papier, là, c'est... officiellement pour réduire l'empreinte de l'environnement, mais on sait très bien aussi que c'est pour réduire les coûts de production. Il faudrait peut-être également qu'ils pensent à enlever le caisson en plastique du jeu et peut-être envoyer le jeu dans une couverture de papier. Pourquoi pas? Peut-être que ça va être la prochaine étape. Parce qu'on regarde ça, une couverture de jeu, c'est quand même assez... le plastique, je suis pas sûr que ça laisse une empreinte environnementale très positive non plus. Alors, ça sera à voir. Donc, ils vont enlever ça. C'est déjà fait depuis le dernier. Tu parles de la dernière sortie d'EA Sports au mois de mars. Oui, absolument. Eh bien, c'est pas la première compagnie qui fait ce pas-là. Il y a aussi Ubisoft qui s'est rangé du côté vert l'an dernier depuis la mise en marché du jeu Shaun White Skateboarding. Alors, si jamais, moi, j'ai le dernier jeu EA Sport à avoir, un petit livret à l'intérieur, est-ce que ça veut dire que je le garde et je le conserve et peut-être que ça fera... Peut-être qu'un jour, ça va valoir de l'argent. Oui, c'est ça. Sinon, quoi d'autre? L'Angleterre s'inspire du Canada pour ses crédits d'impôt aux entreprises de jeux vidéo. Oh. Tu sais que le Canada a des incitatifs importants pour les entreprises de jeux vidéo qui vont s'installer ici. Alors, c'est le secrétaire à la culture de l'Angleterre qui s'appelle Jeremy Hunt qui a dit que le gouvernement canadien était les leaders dans le monde pour les développeurs de jeux vidéo dans le domaine des congés de taxes. Alors, Hunt a dit que son propre pays, l'Angleterre, devait donner des incitatifs similaires pour garder les développeurs qui sont dans son pays et pour attirer les développeurs de l'étranger à venir travailler en Angleterre. Alors, je le cite, il dit « Nous devons offrir à l'industrie du jeu vidéo les mêmes avantages financiers que le Canada. » Et il a dit ça au Guardian. Voilà. Est-ce qu'on sentait peut-être que c'est en train de leur glisser en dessous des pieds? Peut-être qu'il y avait des compagnies qui avaient commencé à vouloir s'installer de l'autre côté de l'Atlantique? Ce qui arrive, c'est que le Canada, l'industrie du jeu au Canada a augmenté de 33 % entre 2008 et 2010, alors qu'en Angleterre, il y a eu un déclin de 9 %. Oh! Donc, ça expliquerait justement les congés de taxes et tout ça, les incitatifs fiscaux. Ça aurait un impact, évidemment, là-dessus, sur le succès des entreprises de jeux vidéo canadiennes. Mais tant en fin de compte que le gouvernement puisse faire également un peu d'argent avec ça, parce que j'imagine que, bon, oui, il y a un congé de taxes, mais j'imagine qu'il y a peut-être des redevances ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Bon, ça vaut la peine d'avoir des... En fin de compte, ça fait travailler des gens, c'est certain, des gens qui payent des impôts. Donc, ça vaut la peine de, peut-être d'avoir ça au niveau de l'industrie du jeu vidéo. On voit comment ça s'est développé à Québec en particulier. Puis, on a encore des gens ici à Québec qui travaillent beaucoup sur le jeu vidéo, les différentes entreprises là, qui sont ici à Québec. Je repassais justement une entrevue que j'ai faite avec Dominic Brown. Justement, en fin de semaine, je repassais ça pour la taper à l'ordinateur. Tout ça, c'était vraiment intéressant, cette entrevue. Vu là, lui qui disait de Binox, ça paraissait, j'ai passé 30-40 minutes avec lui en entrevue et l'amour de la ville de Québec paraissait dans tout ce qu'il disait. C'est vraiment, c'est un gars de Québec qui a toujours voulu que son entreprise reste à Québec et c'est super de voir ça de même parce qu'il a été visionnaire dans un sens alors que tout le monde s'en allait à Montréal. Lui, il a dit, moi, je prends la peine, j'essaie de garder du monde à Québec pour travailler là-dedans et on voit ce que Binox est rendu. Mm-hmm. Et sûrement, peut-être, deviendra la plus grande entreprise de jeux vidéo dans les prochaines années à travers le monde, pas seulement au Québec ou au Canada, là, parce que Binox, là, c'est vraiment bien parti. Oh, oui, puis ils ont tous les contrats de Spider-Man maintenant. Mais le problème avec les crédits d'impôt, c'est qu'il y a toujours un aspect pervers, c'est que là, on l'a vu il y a quelques mois, les entreprises voyaient leur congé d'impôt vont s'arrêter bientôt. Il y en avait qui menaçaient de s'en aller. Donc, c'est comme... oui, ils sont là, mais tu sais, s'ils s'en vont à partir du moment qu'ils n'ont plus leur crédit d'impôt, ben là, c'est comme si on s'était fait... avoir un peu. Ben oui. Ben tout à fait, mais j'ai un peu de misère avec justement cette façon de voir ça. Aussi, il faut le dire, c'est que s'il y a des congés d'impôt pour les entreprises, ben là, probablement que c'est le public qui va devoir compenser. Tu sais, dans le fond, c'est le public, c'est nous qui doivent payer, dans le fond, par des impôts, des taxes pour les congés d'impôt aux entreprises. En tout cas, tu sais, il y a des effets pervers. Je ne dis pas que c'est nécessairement tout mauvais. Peut-être que c'est les petites compagnies qui ont de la misère justement à survivre sans leur crédit d'impôt. Ouais. J'imagine que peut-être les grosses compagnies, eux, en ont profité et maintenant, peut-être qu'ils n'ont plus accès. Sont capables quand même. Ils ont des comptables, ils ont des gens qui savent gérer la business. Donc, j'imagine que ces gens-là ont profité de ces crédits-là, sont très redevables, sont très contents de cela. Maintenant, une fois que la business roule bien, je pense que ça vaut la peine quand même de surtout après avoir investi. Des compagnies comme Binox, Ubisoft, Frima, c'est des gens qui ont investi dans le quartier, qui ont construit des édifices, qui ont construit des bureaux. À un moment donné, quand tu investis là-dedans, ça vaut peut-être pas la peine nécessairement de quand tu penses au plus et au moins en bout de ligne, ça vaut la peine sûrement de rester dans le coin. Probablement que Binox et Ubisoft ne quitteront pas Québec du jour au lendemain, ça c'est garanti. Sinon, Gearbox explique pourquoi il y a eu des délais dans la sortie du jeu Duke Nukem. Oui, c'est vrai, on a annoncé qu'il y a un délai qui arrive. En fin de compte, le jeu est retardé au mois de juin, c'est bien ça? C'est ça, le jeu devait sortir en mai normalement. Et un des employés de la compagnie, Randy Pitchford de Gearbox Software, a dit qu'il s'est expliqué, parce que bon, vous savez que Duke Nukem, ça a souvent été retardé dans le passé. Alors, il s'adressait à Eurogamer et il disait, Monsieur Pitchford, Pitchfork qui ont essayé de rencontrer le deadline de mai, de sortir le jeu en mai comme c'était prévu. Et par contre, ils vont le retarder. Et ils ont dit que c'est pas un truc de relations publiques. C'est pas un genre de combine avec les relations publiques pour garder les gens sur les dents. Là, il y avait vraiment l'intention de sortir en mai. C'est du moins c'est ce qu'il dit. Et ils vont devoir le repousser plus tard. J'espère qu'on n'en fera pas un Grand Turismo du jeu de tir, là. Le fameux Grand Turismo là, qui était toujours retardé. Puis à un moment donné, on a décidé de sortir un prologue au jeu. Puis finalement, il est sorti Grand Turismo. Certaines personnes sont très contentes de l'avoir, mais en général, les commentaires que j'ai entendus, puis pour l'avoir essayé moi-même, c'était pas extrêmement innovateur. Il y a un petit côté NASCAR qui est intéressant, un petit côté kart également intéressant, mais à part ça, pas grand-chose d'innovation là-dedans. Mmh. Ben à mon avis, il n'y a pas de danger. En plus, la version bêta est sortie, là, on en a parlé la semaine dernière. Donc, M. Pitchford a ajouté, on est au courant que les fans veulent que sont anxieux, ils veulent que le jeu sorte finalement, et on va faire tout ce qu'il faut, on va faire des miracles pour sortir le jeu en juin. Donc, 10 juin, c'est programmé pour la sortie PC, PS3 et Xbox 360. Alors voilà, peut-être une dernière nouvelle avant d'aller en musique. Apple supprime une application pour guérir l'homosexualité. Hein? Ouais, non. T'avais-tu entendu parler de ça? Il y a quelqu'un qui a inventé une application de la sorte. Oui, monsieur. Ça s'appelait le Gay Cure. C'est une application Apple, donc pour les iPods, les trucs. C'est une application qui était disponible dans l'App Store. Et donc, évidemment, les médias ont parlé de cette application-là. Il y a eu aussi des groupes de protection de droits gays qui sont pleins de cette application-là. Avec raison. Exactement. Cette application-là avait été créée par un groupe de chrétiens qui s'appelle l'Exodus International, qui disait cette application sert à, je cite, enseigner aux gens gays qu'ils ont des choix, qu'ils peuvent faire des choix par rapport à leur sexualité. On rappelle que l'homosexualité, là, c'est pas un choix. Et il ajoute que ils peuvent avoir la liberté de choisir l'homosexualité à travers le pouvoir de Jésus. Donc voilà. Ça, c'est une bande d'extrémistes. Hein? Oui. Juste avoir entendu ce que tu as dit comme nom. Là. Aux États-Unis, ça marche très fort. Hein? Oui, c'est certain que, bon, on est dans un autre pays. Peut-être qu'on a un petit peu plus d'ouverture. Mais c'est quand même assez incroyable. Premièrement, qu'il y a des gens qui aient pensé faire ça dans cette gang d'extrémistes-là. Disons que ça peut passer parce que c'est leur façon de voir les choses. Mais que ça ait été accepté comme application sur le iStore. Ça, c'est curieux. J'imagine qu'il y a des gens qui travaillent pour voir un peu ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Absolument. C'est une application qui était sortie à mi-février. Effectivement, Apple, pendant un bout de temps, ils ont quand même publié cette application-là qui est absolument odieuse. Et il y a le dernier effort pour enlever cette application-là, ça vient du site web change.org qui ont fait une pétition en ligne pour retirer cette application-là qui a recueilli plus de 140 000 signatures. Et il n'y a pas moyen de savoir si c'est la pétition qui a fait changer de l'idée de Apple, mais ça a certainement eu un impact, du moins dans les décisions qui ont été prises. Et mardi dernier, c'est Apple qui a décidé de retirer, sans faire trop de bruit, l'application de son magasin. Et le président de Exodus International, Alan Chamber, il a dit ceci sur son Twitter. Il a dit « C'est officiel, l'application n'est plus disponible sur l'App Store. C'est incroyablement disappointing. » Ah, c'est décevant. Décevant. Très décevant. Et faites attention, ça peut vous arriver à vous. Alors, voilà ce qu'il a dit. Incroyable. Et donc, c'est une grande victoire pour... c'est une petite victoire, en fait, pour les droits des gays. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est quand même incroyable d'avoir une nouvelle de la sorte qui dit encore que... Encore en 2011, ce n'est pas fini. Et non, un combat éternel, on dirait. Donc, on continue en musique avec notre spécial vinyle. Hey, le spécial vinyle, qu'est-ce que tu vas nous faire jouer, François? C'est incroyable. Je me croirais dans une émission du cirque aquatique magique. Hein? On a comme un spécial. Ouais. Puis... D'ailleurs, pour vous prouver que c'est bien un vinyle, je vais faire un peu de scratch. Alors, on va écouter la pièce Back to the Future Overture. Donc, c'est probablement le thème de la fameuse émission. Le fameux film. Le fameux film, oui. Une bonne chanson, une bonne toune de geek. Et voilà, c'est parti. Avec le crunch crunch. Tout est là. Puissance maximale. Thank you. Thank you. Oui, vraiment heureux. Bonjour, ici Normand Lamour et vous écoutez Puissance Maximale. Normand Lamour, eh oui, qu'on a toujours en jingle avec nous à Puissance Maximale. Et on salue Andrew qui nous écoute et qui nous rappelait également que les fameux contenants de plastique, en fin de compte, les petits caissons dans lesquels on retrouve les jeux, sont faits de plus en plus avec du plastique recyclé. Et également, il nous rappelait la sortie de ce fameux jeu le 19 avril prochain, qui s'appelle Mortal Kombat. Andrew, vraiment, est très intéressé à l'acheter. On le salue et je voulais juste vous dire également, chers auditeurs, François, que je l'ai essayé, je l'ai téléchargé de la démo et ça vaut, c'est vrai, ça vaut vraiment la peine. Andrew, là, ne ment pas. Ça va vraiment... Si vous avez été des fans de Mortal Kombat, soit à l'arcade ou alors que vous jouiez avec votre console à l'époque, ça vaut vraiment la peine. Et parlant justement c'est d'arcade... C'est qui ton personnage préféré? Moi, mon personnage préféré, c'est Sub-Zero. Sub-Zero. Oui, yeah. Vraiment. Monsieur Glass. Oui, je l'aime bien. Mais j'avoue pareil, tu sais, à un moment donné, tu te tannes d'un de tes personnages, là, puis tu joues toujours avec, mais on dirait que ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un moment où on a plusieurs défaites en ligne. J'avoue pareil que j'aime bien Scorpion et tout ce qu'il peut faire également. Donc, quand même intéressant. Et on parlait d'arcade avec Mortal Kombat. Parlons maintenant d'un jeu d'arcade qui a été extrêmement populaire dans les années 90, dans lequel, alors que je fais passer un petit peu de temps à l'Amusathèque à Lévis, cette fameuse arcade qui n'existe plus, et peut-être même à la Récréathèque, mais je ne me souviens plus si le jeu était là, j'ai passé des centaines de dollars dans le jeu NBA Jam. À ce point-là? Centaines, je te le dis. Je jouais toujours avec un de mes amis, que je salue, Jeff, et on était toujours sur cette machine-là. C'était 1$ de la partie. Alors, ben, en fin de compte, 25 cents du quart. Mm-hmm. Donc, si on fait des parties complètes, c'était 1$. Et je pense qu'on a mis pas loin entre 300 et 400$ adolescents. Pour en finir à être les deux premiers dans le standing à la fin. Oui, oui, oui. Sauf qu'on était 2 et 3 finalement. On n'a jamais été le premier, mais on essayait toujours, mais il y en avait un qui jouait plus. Il y avait toujours un petit maudit qui jouait toujours plus que nous. Oui, c'est ça, mais on ne le voyait jamais. On s'est même mis à douter à un moment donné que c'était le gars de la place qui faisait peut-être. Jouer la machine par elle-même avec un faux joueur. Mais bon, c'était... Donc NBA Jam, un jeu de basketball. NBA Jam, un jeu de basketball. On ne parle pas souvent de jeu de sport et sa puissance maximale, mais vraiment un jeu de basketball à l'arcade. On pensait jamais que ça allait revenir NBA Jam, surtout si on a joué, on aimait ça. Et bon, c'est un jeu, comme je l'ai dit en début d'émission, qui est sorti il y a pas loin de 6 mois. Là. C'est pas une nouveauté, mais... je l'avais pas essayé depuis sa sortie, malgré le fait que j'étais un grand fan. Et j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus en fin de semaine, d'essayer ça. Et vraiment, là, le feeling de NBA Jam est là. C'est un jeu de basketball arcade dans lequel on joue à 2 contre 2 sur un terrain avec des équipes de la National Basketball Association, donc l'Association nationale de basketball, avec des équipes qui existent aujourd'hui et des joueurs qui sont des joueurs contemporains. Donc, des joueurs de cette saison-ci ou des saisons antérieures, là, ça va pas très, très loin. Et en termes de jeu, là, on retrouve ce qu'on avait à l'époque sur le fameux jeu d'arcade. Donc, une jauge de turbo. Ça, c'est incroyable. On avait toujours le bouton turbo dans le piton, vraiment au fond, pour faire avancer nos joueurs plus rapidement et avoir quelques mouvements différents. On pouvait, parce que c'est du basketball, mais du basketball avec faute. Tu sais, une faute au basketball, c'est de tasser le joueur qui a le ballon, toucher, des choses comme ça. À NBA Jam, on peut les tasser, il n'y a pas de problème. Les contacts physiques se font, donc les règles du basketball ne sont pas suivies à la lettre. Mais le piton turbo, non seulement en nous faisant avancer plus vite, nous permettait également d'avoir des petites attaques spéciales comme ça sur les joueurs, qui n'étaient rien d'extraordinaire, rien de surréaliste, mais quand même assez intéressant. Donc ça, on retrouve ça. Les remplacements, c'était super intéressant à l'époque sur l'arcade, parce que à la mi-temps, donc un jeu de basketball, une partie de basketball se fait en 4 quarts. À la mi-temps, on pouvait aller sectionner des joueurs différents, changer nos joueurs ou changer nos joueurs de position. C'est toujours encore là et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un jeu qui nous permet d'avoir une partie immédiate. Donc, si vous avez joué seulement en arcade à l'époque, vous retrouvez ça et vous choisissez l'équipe que vous voulez. Attention, depuis le temps que NBA Jam est sorti, il y a quelques équipes qui n'existent plus ou qui sont déménagées par rapport au jeu à l'époque. Par exemple, si vous étiez en fin de semaine, j'ai joué avec ma blonde, et elle tripait sur les Hornets de Charlotte, et elle s'est aperçue que les Hornets étaient rendus à la Nouvelle-Orléans maintenant. Wow. Donc, une équipe qui a déménagé. Donc, c'est possible de jouer vraiment en mode partie immédiate et de ne faire que ça. Et il y a d'autres modes également, mais peu importe le mode qu'on prend, on peut débloquer certains... des challenges, des petits défis qui nous amènent parfois des trophées si on a la PS3 ou peut-être des achievements si on a la Xbox 360, mais pas souvent justement, c'est qu'on les retrouve un petit peu plus tard. Par exemple, je sais pas, on a fait un lancer à la dernière minute et ça nous a permis de gagner par un point, on débloque un petit défi, on a réussi à mettre tant de paniers de 3 points dans la partie, ça nous débloque un autre défi, on a gagné une première partie, donc il y a plein de petites choses comme ça à côté qui n'existaient pas à l'arcade à l'époque, mais qu'on a aujourd'hui, ouais. Sur ce jeu-là. Et Trophy, c'est vraiment rendu un incontournable dans tous les trophées, jeux, là, il y a des gens, je pense, qui n'achètent des jeux que pour débloquer les trophées. Je suis certain. parce que, oui, c'est toujours le fun d'en avoir. Puis, ils ont vraiment fait ça de façon, disons, exponentielle, à monter tout le temps. Et on veut toujours atteindre le prochain niveau. On veut toujours atteindre... Même si ça donne absolument rien, c'est juste symbolique. On veut les avoir, les maudits trophées. Oui, puis même qu'il y en a qui... Moi, au départ, je veux te dire, franchement, quand que je jouais, les trophées, ça apparaissait. Bon, j'étais content de les avoir, mais j'allais pas voir nécessairement ce que je devais faire pour en débloquer un maintenant. Il arrive parfois dans des jeux que je vais voir. J'arrive tellement près du 100% de débloquer dans le jeu que je vais lire, bon, OK, il faut que je fasse telle affaire pour le débloquer. Mais à l'époque, quand c'est sorti, je veux dire, franchement, je jouais juste pour ça débloquer automatiquement. Et donc, revenons à NBA Jam. Pour la partie classique, là, la partie pour jouer immédiatement, on retrouve vraiment le bon vieux NBA Jam qu'on avait sur l'arcade, la machine d'arcade. On peut même mettre des têtes plus gonflées sur nos personnages pour les voir. Il est possible également de débloquer des anciens joueurs de la NBA. Donc, des joueurs comme Magic Johnson, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton chez le Jazz de Utah dans le temps. Donc, on peut les faire revenir en faisant différentes stratégies, justement, en débloquant certaines choses dans le jeu. Malheureusement, Michael Jordan n'est pas là, le fameux Jordan qui a battu tous les records dans cette ligue-là. Il n'est pas là. Il a pas signé avec EA, tout simplement, pour être là. Il a signé seulement une fois. Je pense que c'était dans le basketball de l'année passée, le 2K10 ou quelque chose comme ça. Et il revient pas vraiment. Son nom ne revient pas là-dedans. Sauf qu'il y a quand même des modes intéressants, autres que le mode régulier de jouer une partie immédiate. Il y a une saison. On peut faire des saisons. Donc, affronter chacune des équipes une après l'autre pour finalement débloquer certaines autres issues dans le jeu, tout simplement. Et il y a quelques modes qui sont différents, dont des modes de domination, d'élimination. On peut même jouer au 21. Je sais pas si tu as joué au 21, François. Au basketball, c'est qu'on prend la moitié d'un terrain, en fin de compte, la partie d'un panier seulement. Et il y a quand même une zone de protection autour du terrain, un demi-cercle autour du panier. Et l'essentiel au 21, finalement, c'est d'essayer de faire des paniers un contre un. On est un contre un. Lorsqu'on fait un panier, on revient à la zone du lancer franc. Et si on réussit à l'avoir, on continue à faire des points toujours en zone de lancer franc. Sinon, notre adversaire prend le ballon et essaie justement de refaire un lancer, mais il faut sortir de la zone de dégagement tout le temps. Donc, c'est un peu compliqué à l'expliquer comme ça à la radio, mais c'est une partie qui est hyper populaire l'été. Dans les camps d'été, souvent, on voit plein de monde jouer au 21 dans les parcs, et ce mode-là est possible d'être utilisé. Ils ont fait un mode 21 dans le NBA Jam, qui est quand même intéressant. Je l'ai essayé. Ça se passe quand même assez bien. Et bon, il est possible de rencontrer des boss. Un fameux boss. Ah ouais? Mais bon, bien sûr, ce sont des joueurs de l'époque. Non, c'est des joueurs des All-Stars de la NBA qui ont pris leur retraite il y a quelques années, dont un certain Larry Bird qu'on peut retrouver un petit peu plus tard dans le jeu si on le fait. Et c'est quand même un jeu très intéressant. Je ne vous ai pas tout nommé les modes parce que le temps passe, mais pour un fan de NBA Jam, pour un gars qui a mis pas loin de 400$ dans cette machine-là alors qu'il était adolescent, j'ai retrouvé mon petit côté mon côté fanatique de ce jeu-là. Et à l'époque, c'était un jeu qui devait sortir seulement sur la Wii. Là, je parle de la version PS3 parce que c'est celle que j'ai essayée. Il y a également la version Xbox 360. Mais à l'époque, il avait été signé seulement pour la Wii pour pouvoir l'utiliser avec le Nunchuck et la Wiimote. Et comment ça fonctionnait? Le Nunchuck nous permettait de faire déplacer les personnages avec le petit stick du côté gauche ou droit, dépendant si on est droitier ou gaucher. Et avec la Wiimote, en la secouant, soit de haut en bas, en la secouant vers le haut, on faisait comme le premier mouvement pour faire le lancer. En la rabattant vers le bas, on lançait le ballon, comme on fait au basketball. Et également, pour faire perdre la balle à nos adversaires en secouant de gauche à droite, tout simplement la Wiimote. Donc, il y a quand même des petits côtés intéressants. Reste à voir maintenant les graphiques de la Wii. J'ai un de mes amis qui l'a acheté. J'ai bien hâte de voir ce que ça a de l'air pour la Wii. Comme je vous dis, c'est un jeu qui était fait pour cette console au départ, mais rapidement, les contrats ont été signés pour mettre ce jeu-là sur la PS3 et sur la Xbox 360. Donc, si vous êtes des amateurs de NBA Jam, et là, on ne parle pas vraiment de la vraie partie de basketball, parce qu'une vraie partie de basketball, c'est du 5 contre 5. Ici, c'est du 2 contre 2. Mais si vous avez vécu le NBA Jam à l'époque, vraiment, vous retrouvez tout ça dans NBA Jam, la version qui est sortie à la fin de l'année dernière, au mois d'octobre. Excellent. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Alors, écoute, on retourne dans notre série de vinyles extraordinaires. Donc, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette fois-ci? Ça va être Jacques Brel. Guillaume Foran avait déjà fait jouer à un moment donné. Donc, on va écouter la pièce Mathilde. Oh là là, puissance maximale vinyle aujourd'hui. Puissance maximale vintage. Pourquoi pas? Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières. Ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, mère revenue. Bounia, apporte-nous du vin. Celui des noces et des festins, Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap, Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà. Bonjour, je suis Frodon et vous écoutez Puissance Maximale. Merci, Frodon. Qu'est-ce qu'ont en commun les chips NVIDIA, des lasers, des moustiques et Bill Gates? Les chips NVIDIA, aucune idée, là. C'est le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui est NVIDIA. Vous savez que Bill Gates, c'est un milliardaire qui est philanthrope. Oui. Alors, il est en train de travailler sur un projet avec NVIDIA pour utiliser les mêmes chips. Les chips, on parle des chips électroniques, là, de NVIDIA, pour, écoute bien ça, pour tuer les moustiques femelles. Donc, utiliser les chips utilisés dans les consoles de jeux pour tirer les moustiques femelles. Donc, ça a l'air effectivement d'un film, d'un mauvais film des années 80, mais c'est très vrai et ça permettrait d'empêcher la prolifération des maladies propagées par les moustiques dans les pays du tiers-monde, comme oui. Le dengue ou peu importe. C'est ça. Il y a plein de maladies comme ça qui sont... Est-ce qu'on nous explique la façon dont ils seront éliminés? Écoute bien ça. C'est NVIDIA qui travaille avec la compagnie de recherche Intellectual Ventures. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est fabriquer des clôtures laser pour reconnaître... les clôtures permettent de reconnaître les moustiques femelles et ils les tirent avec des lasers pendant qu'ils volent. Et apparemment que la clôture se vendrait à aussi peu que 50$ et ça permettrait effectivement de peut-être lutter contre des maladies infectieuses, des maladies... Mais est-ce qu'on va briser la chaîne écologique, cette fameuse chaîne là, le moustique est quand même important? Qui sait? Dernière nouvelle avant de finir l'émission, il y a un meurtrier présumé qui a été retracé grâce à une PS3 volée. Donc, il y a 2 mois, il y a un tueur présumé qui s'appelle Jill Lee Palmer qui aurait tué 2 personnes en Caroline du Sud le 19 janvier dernier. Et la police a réussi à le retracer à cause d'une PlayStation 3 qu'il aurait volée d'une des victimes. Et il paraît que, bon, Palmer aurait peut-être logué sur un jeu. Oui. Où Sony aurait aidé la police à retrouver l'individu. Donc, peu importe, la police a réussi à retrouver Palmer grâce à la PS3. Donc, PS3 qui peut servir à lutter contre la crime, mais là, évidemment, ça pose quand même des questions. Là, quand c'est rendu que les compagnies peuvent permettre de retracer les gens de cette façon-là aussi facilement, c'est quand même curieux. C'est spécial, oui. J'essaie de voir la possibilité si le gars s'est branché sur Internet avec la PS3 volée. Mais via l'IP. Via l'IP, oui, mais je veux dire, normalement, tu rentres un mot de passe, t'as ton mot de passe et t'as ton login, ton nom, qui est ton adresse email. Normalement, ça se fait parce que tu t'es entré avec ton propre serveur Internet et tout ça. Faudrait voir, là. J'essaie de voir. D'après moi, peut-être qu'il y a Anguille sous roche et peut-être que Sony peut nous checker un petit peu plus qu'on le pense. Ouais, sans peut-être. Être branché en ligne, on ne sait pas. Sinon, c'est tout pour l'émission Puissance Maximale. Simplement pour vous rappeler que c'est KIA, la radio duquel on émet actuellement, est en difficulté financière. Donc, vous pouvez devenir membre de 3 façons. Internet, c'est KIAFM.org, en personne au 600 Côte d'Abraham ou par téléphone au 529-9026. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, François G. Couillard, d'avoir été à la console et de nous avoir fait découvrir ces magnifiques vinyles qui étaient ici à Sécueil. Hein. Merci à toi, Vincent Landois, pour l'animation. Ça fait plaisir. Et on salue également Frodon, Friedemann Friese et également Normand Lamour qui était ici pour faire les jingles aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne semaine de jeu à tous et à toutes. Merci.